Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la construction controversée de l'un des plus grands barrages hydroélectriques du monde, au cœur de la forêt amazonienne, le barrage brésilien de Belo Monte. Dans ce gigantesque pays, 15 fois la France en superficie, la très grande majorité de l'énergie provient des fleuves et en particulier des cours d'eau qui traversent celle qu'on appelle le poumon de la Terre, l'Amazonie. Parmi ces fleuves, le Xingu, qui a connu l'an dernier l'inauguration du troisième plus grand barrage du monde, Belo Monte donc, un condensé des contradictions qui déchire le Brésil aujourd'hui. D'un côté, en effet, un barrage monumental, perçu comme un symbole de la grandeur du pays, conçu pour répondre aux besoins énergétiques des quelques 200 millions de Brésiliens et source d'emploi dans une région pauvre et isolée. De l'autre, la nécessité de protéger l'environnement, mais aussi des milliers d'Indiens dont les modes de vie dépendent de la forêt amazonienne et du fleuve Xingu, menacés par ce chantier titanesque. Progrès et tradition, développement économique et développement durable, croissance et protection de l'environnement, des logiques discordantes qui s'affrontent en Amazonie et que nous allons explorer aujourd'hui. Notre invité est Martine Bruers, géographe, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Brésil, co-autrice avec Céline Brogio du livre intitulé « Le Brésil », tout simplement, publié en 2017 aux presses universitaires de France. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Le poumon de la Terre, la formule est élégante, c'est le surnom qu'on donne à la forêt amazonienne. La plus grande forêt tropicale du monde, qui capte effectivement 10% du CO2 mondial et libère de l'oxygène au même titre que le corail des océans, qui lui limite le réchauffement climatique. Mais la forêt amazonienne joue aussi et surtout le rôle de pompe à eau, en absorbant puis en relâchant l'eau de pluie filtrée sous forme de vapeur d'eau, des fleuves volants, qui alimentent ensuite toute l'Amérique du Sud, évitant ainsi les sécheresses. Essentiel à l'équilibre de la planète, les 550 millions d'hectares de forêt et les 6600 km de rivières amazoniennes abritent 40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons d'eau douce et plus de 370 de reptiles, soit 10% de la biodiversité mondiale. Une nature riche et complexe que connaissent parfaitement les 420 tribus qui peuplent l'Amazonie, dont une centaine n'a aucun contact avec le monde extérieur. Autant de connaissances, de savoir-faire et de traditions qui risquent de disparaître, car les Indiens d'Amazonie, décimés par l'esclavage, la maladie et la guerre au fil de siècles de colonisation, sont aujourd'hui menacés d'expropriation par le président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui entend accélérer l'exploitation de leur territoire, l'Amazonie. Une politique coloniale, selon les opposants de Bolsonaro, qui rappelle celle de l'ancienne dictature brésilienne. En 1970, le général Emilio Médici, soutien de Pinochet au Chili et connu pour avoir réprimé violemment les mouvements sociaux dans son pays, lance la construction de la route transamazonienne. 4000 km² de goudron et de terre battue qui traversent la forêt d'est en ouest. Un projet pharaonique qui vise à désenclaver l'Amazonie et, selon le slogan officiel, à donner une terre sans hommes à des hommes sans terre. Des milliers de Brésiliens pauvres, attirés par la promesse d'un Far West lucratif, se ruent alors sur ces territoires qui ne sont pourtant pas sans hommes, puisque les Indiens Yanomami, Ticuna, Kayapo ou encore Wayepi y vivent depuis des millénaires, à moins qu'ils ne soient pas considérés comme des êtres humains. En tout cas, dans les années 70, les Indiens voient soudainement leur terre envahie. Quelques milliers d'hommes sont venus, sans éducation, sans bagages. On les a installés dans des villages montés de toutes pièces, les agro-villages, espèces de communautés où la misère se mélange à la misère. Chaque famille a reçu une terre de 30 hectares. Le gouvernement a avancé une partie des fonds pour la mise en valeur, jusqu'au jour où l'on s'est aperçu que cette terre n'était pas cultivable. Où l'on s'est aperçu aussi que les hommes que l'on avait fait venir ici n'étaient pas adaptés à ce climat ni aux maladies tropicales. Beaucoup sont repartis. La transamazonienne prend aujourd'hui un autre visage. Elle permettra d'accéder dans les 10 ou 20 prochaines années aux fantastiques ressources de son sous-sol. Bauxite, or, uranium, fer. Les plus puissants l'ont déjà compris. L'exploitation minière, l'abattage illégal de bois précieux et la culture du soja, mais surtout, l'élevage bovin intensif participe à déboiser la forêt amazonienne de manière violente. Depuis 1970, ce sont en effet 736 millions de kilomètres carrés de forêt qui ont été coupés, soit deux fois le territoire de l'Allemagne. 3 millions d'arbres par jour, 2000 par minute. Des chiffres monstrueux et des effets délétères, puisque l'Amazonie abîmée ne peut plus jouer son rôle régulateur d'arrosoir géant rejetant l'eau des pluies dans l'atmosphère. Pas étonnant que dans le sud de l'Amazonie, les sécheresses se succèdent désormais, chacune dépassant les records de la précédente. Pendant près de 20 ans, la dictature brésilienne, qui fonde sa politique de développement économique et social sur l'exploitation de l'Amazonie et la déforestation, va utiliser toutes les ressources dont la forêt dispose. La terre, les sous-sols, mais aussi l'eau. Une holding nationale, Eletrobras, est créée en 1972 pour coordonner un programme d'aménagement hydroélectrique en Amazonie. 3 ans plus tard, Eletrobras inaugure son premier barrage sur le Rio Araguari avant de multiplier les chantiers, dont les barrages de Samuel et de Balbina, ou celui de Tucuruí sur le fleuve Tocantine. Des barrages qui déclenchent immédiatement la critique. Déplacement de population non relogée, pollution au méthane, accident de travail. Mais sous une dictature, évidemment, l'opposition à ces grands travaux peine à se faire entendre. Reportage de France 3. Le Brésil vient de réaliser ce qu'il espère être la clé de voûte de son plan de développement de l'Amazonie. La construction du barrage de Tucuruí a commencé au mois de novembre 1975. Ouvrage monumental jeté en travers du fleuve Tocantins, un des principaux affluents de l'Amazone, il est à la taille du pays. Problèmes humains, problèmes écologiques, la construction de Tucuruí laisse un important solde négatif. Les erreurs d'appréciation, les choix dictés par le seul souci d'une rentabilité maximale, ont et laissent encore planer de multiples menaces. Quelques exemples de ces ratages entre guillemets. Interrompu l'écoulement normal du Tocantins pour remplir le lac, cela a failli provoquer un excès de salinisation du réseau d'eau potable de Belém. Différer la construction d'écluses pour franchir le barrage, c'est toute la vie aquatique du fleuve qui est aujourd'hui atteinte. C'est dans le cadre des grands travaux de la dictature que le projet du barrage de Belo Monte voit le jour en 1975. Eletrobras, principal producteur, distributeur et fournisseur d'électricité au Brésil, prévoit à l'origine un complexe de 5 barrages sur le fleuve Xingu, dont le barrage de Cararao, à l'emplacement de l'actuel barrage de Belo Monte. Le complexe hydroélectrique d'Altamira, du nom d'une bourgade adjacente, se trouve à la jonction du Xingu et de la route transamazonienne au nord du Brésil. Si le complexe était construit, des milliers d'Indiens seraient chassés de leurs terres et 18 000 hectares de forêts inondées sans que les concepteurs du projet n'y voient rien à redire. Mais les années ont passé, les temps ont changé depuis la construction des premiers barrages au début des années 70. Au Brésil, la dictature a laissé la place à la démocratie en 1985 et un vent nouveau souffle sur le monde, le vent de la conscience écologique. Dans les années 80, le projet de complexe d'Altamira, rendu public, déclenche les foudres de l'opposition et, notamment, du Parti des travailleurs du jeune Luiz Inácio Lula da Silva, ancien ouvrier de la métallurgie et future figure de la gauche brésilienne. En 1989, Raoni Metutkin, grand chef de la tribu des Kayapos, l'un des principaux peuples de la vallée du Rio Xingu, se fait connaître du grand public à l'occasion d'une tournée dans les pays occidentaux, aux côtés du chanteur Sting, fervent défenseur de l'Amazonie. La bouche ornée d'un impressionnant plateau labial, coiffé d'une parure traditionnelle, Raoni sensibilise le monde à la cause des Indiens d'Amazonie et au danger de la déforestation. La même année, à Altamira, là où le barrage de Carao, futur Belo Monte, doit être construit, Raoni et d'autres chefs de Xingu se réunissent lors d'une assemblée publique pour affirmer leur opposition au projet. Ils se sont peints le visage, ils se sont peints le corps et ils ont pris les armes, mais il s'agit d'une danse de paix. 20 tribus indiennes sont réunies à Altamira, au cœur de la forêt amazonienne, pour tenir un conseil des chefs Et si l'apparat ne peut pas être comparé à celui des sommets de chefs d'État, le protocole y est au moins aussi contraignant. C'est leur forêt que ces Indiens sont venus défendre à Altamira, leur forêt menacée par un projet démesuré du gouvernement brésilien qui prévoit de construire en Amazonie 80 barrages dans les 20 prochaines années. Sous les yeux de 150 journalistes, les chefs indiens d'Amazonie rencontrent les représentants d'Eletro Norte, l'entreprise publique qui entend construire autour d'Altamira un complexe hydroélectrique sur le Rio Xingu. Une image restera dans les mémoires, celle d'une jeune femme de la tribu Kayapo, hurlant au visage de José Antonio Muniz López, l'ingénieur choisi par le gouvernement pour défendre le projet auprès des Indiens. Une machette à la main, la lame de métal posée tout contre la joue de l'ingénieur, Tuiri, c'est le nom de la jeune femme, incarnera pour longtemps la résistance des tribus d'Amazonie face à l'État brésilien. Car pour les Indiens, et en particulier pour les Indiens de Xingu, les tribus Aweti, Kayapo, Kalapalo ou encore Matipu, le fleuve est un sanctuaire à défendre, qui constitue le socle principal de leur identité et de leur mode de vie ancestraux. Car le Xingu est la ressource principale des Indiens de la vallée qui se nourrissent de poissons et de tortues d'eau, échangées à la ville contre des denrées de première nécessité via le fleuve, leur unique moyen de transport. Face à l'engagement des tribus de Xingu, l'entreprise publique Eletro Norte va émettre quelques propositions censées rassurer les Indiens. Construire un canal pour détourner l'eau et éviter les inondations initialement prévues, mais aussi plus dérisoire. Changer le nom du barrage, Cararao, un cri de guerre Kayapo pour Belomonte, comme si renommer le projet allait le rendre plus désirable aux yeux des Indiens. Mais Raoni Metutkin et les chefs Xingu, soutenus par le Parti des Travailleurs de Lula, tiennent bon. Le projet est finalement abandonné au tournant de la décennie 90 et restera dans les placards pendant plus de 10 ans. En 2002, Lula devient président du Brésil et retourne soudainement sa veste, à la stupeur générale, bien sûr. Le fondateur du Parti des Travailleurs, qui s'était opposé au barrage dans les années 80, soutenu par sa ministre des Mines et de l'Énergie Dilma Rousseff, valide le projet. Pour les Indiens Xingu, c'est une trahison, comme l'explique le chef Kayapo, Raoni Metutkin. Et je lui ai demandé de ne pas signer les ordres pour la construction de ce barrage. Et le président Lula a dit à l'époque qu'il ne le ferait pas. qu'il n'y aurait pas de barrage sur mes terres. Et maintenant, je vois que ce n'est pas vrai. Alors, on dit justement que la plupart des Indiens ont soutenu Lula initialement pour qu'il accède à la présidence du Brésil. Est-ce que vous avez le sentiment, Raoni, qu'il vous a trahi, le président brésilien ? Oui, c'est vrai que tous les Indiens ont soutenu Lula pour qu'il devienne président de la République. Et maintenant, on a l'impression qu'il nous a menti. Il va faire le barrage, malgré tout, sans nous demander notre avis. Et ça m'inquiète beaucoup. À son arrivée au pouvoir, Lula, ancien syndicaliste et ouvrier de la métallurgie, élu président du Brésil, cherche à étendre l'influence du pays. Il ne s'agit plus d'être une puissance émergente, mais une puissance émergée, autrement dit officiellement une grande puissance. En 2007, Lula lance le PAC, le programme d'accélérateur de croissance. Un ensemble de projets, plus de 300, pour dynamiser le pays tout en réduisant les inégalités qui le déchirent. Transport, santé, éducation, logement, production d'énergie, tous les secteurs sont concernés par ce programme qui doit permettre de développer l'intérieur du territoire et non plus seulement les centres côtiers et les régions riches. L'objectif déclaré de Lula, donner à manger à tous les Brésiliens et apporter la lumière dans chaque foyer. La lumière, oui, car le pays connaît depuis plusieurs années d'impressionnantes coupures d'électricité qui laissent les Brésiliens dans le noir pendant plusieurs heures. Le gigantesque barrage d'Itaipu, à la frontière avec le Paraguay, deuxième du monde et symbole de la puissance hydroélectrique brésilienne, ne résiste pas aux sécheresses des années 2000. Le président Lula et sa ministre Dilma Rousseff décident alors la construction d'une dizaine de grandes infrastructures hydroélectriques, dont le barrage de Belo Monte, qu'ils avaient pourtant critiqué dans les années 80. En 2010, près de 30 ans après le premier projet de barrage, la concession de Belo Monte est finalement mise aux enchères. Márcio Zimmermann, le ministre de l'énergie de Lula, tente de tranquilliser les esprits dans ce reportage de Tania Gomez sur RFO. Le gouvernement de Brasilia assure que Belo Monte sera essentiel pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la population. Il devrait alimenter 26 millions de foyers. Au Brésil, 90% de la production électrique est générée par les barrages. Aujourd'hui, grâce à un barrage comme le Belo Monte, le Brésil devient un vrai compétiteur. La centrale est la moins chère et la plus productive du pays. La construction du barrage est aussi défendue par une partie de la population locale qui espère bénéficier des 100 000 emplois qui seront générés par la centrale. Un argument économique de poids que les opposants au projet auront du mal à contrer. Pour le pouvoir en place, le barrage de Belo Monte est en effet très stratégique. Il s'agit de couvrir les énormes besoins énergétiques du Brésil, 196 millions d'habitants, 7e puissance mondiale en 2010, mais aussi de dynamiser l'état du Pará grâce aux milliers d'emplois que créera ce chantier titanesque. Développement socio-économique et production énergétique deviennent alors des synonymes dont Belo Monte doit être l'incarnation. Mais le gouvernement de Lula se trouve face à un dilemme. S'il veut développer économiquement le pays, il souhaite aussi faire du Brésil une puissance respectueuse de l'environnement. Entre 2004 et 2012, les années Lula, le déboisement de l'Amazonie est effectivement et drastiquement réduit. Le Parti du Travail protège la forêt des propriétaires terriens peu respectueux en formant notamment une police environnementale. Alors, quand il s'agit d'hydroélectricité, le ministre de la Justice, Luiz Paulo Barreto, se veut rassurant. La forêt sera protégée. Et les Indiens d'Amazonie seront associés au projet du barrage de Belo Monte. Les Indiens du Brésil ont été associés aux discussions autour du barrage de Belo Monte. On leur a parlé de l'impact et aucune réserve ne sera directement inondée. On leur a aussi parlé des compensations, un travail mené par la fondation de l'Indien, la FUNAI. Mais tout à coup a surgi un mouvement idéologico-politique contre Belo Monte qui ne connaît même pas le projet. C'est ça le problème. La taille du lac qui sera formé par le barrage a été réduite d'un tiers par rapport au projet original. Le Brésil est en pleine croissance économique. Il a besoin d'énergie. Cette usine est stratégique pour le pays. Souvent, les Indiens ont des inquiétudes sans fondement, presque toujours d'ailleurs. Mais le ministère y est très attentif. Maintenant, il faut éviter la politisation du problème. Le projet du barrage de Belo Monte est une version édulcorée de celui de 1985. Il ne s'agit plus de 5, mais d'un seul barrage. Et le lac artificiel, le réservoir de l'infrastructure, est réduit à 500 km², soit un tiers de sa taille initiale. ce qui fait autant de terres inondées en moins. Par ailleurs, le gouvernement de Lula prévoit d'accompagner le projet de deux programmes, l'un dit d'intégration régionale, l'autre de développement durable. Des projets sociaux et environnementaux, construction d'écoles, d'hôpitaux, travaux d'assainissement, à destination d'une région laissée à l'écart du dynamisme brésilien. Oui, durable. C'est ainsi que le gouvernement désigne officiellement le projet de Belo Monte, source, je cite, de croissance avec génération d'emplois et de revenus, préservatrice de l'environnement et réductrice des inégalités régionales. Bien. Mais si le développement durable est devenu l'argument des défenseurs de Belo Monte, c'est aussi celui de ses opposants. En février 2010, l'IBAMA, l'Agence brésilienne pour l'environnement, accorde au consortium Norte Energia la licence environnementale nécessaire au lancement des travaux. Une décision qui va à l'encontre des conclusions de l'étude d'impact sur l'écosystème commandée par le ministère de l'Intérieur. Des chercheurs, mandatés par l'État, avaient souligné que les délais impartis ne suffisaient pas à envisager toutes les conséquences du projet, notamment en ce qui concernait la qualité de l'eau et les poissons. Le doyen de la communauté indienne, Arara Leoncio Ferreira, dénonce ainsi les conséquences du futur barrage de Belo Monte sur le fleuve Xingu. Ils vont assécher notre fleuve. Quelle tristesse! C'est notre unique route et la source de notre vie. Le barrage va détruire toutes nos ressources. Il n'y aura plus de poissons pour manger ou pour le vendre. On ne pourra plus aller acheter de riz et de farine. C'est un désastre pour nos enfants et nos petits-enfants. Avec le barrage de Belo Monte, les eaux de Xingu et de ses affluents vont être déviées, mais aussi réchauffées et, en certains endroits, asséchées. Le cours du fleuve, ainsi perturbé, ne sera plus en mesure de protéger la diversité de son écosystème. Plusieurs espèces de poissons, tortues ou grenouilles risquent de disparaître. Un drame pour les Indiens qui dépendent largement du fleuve, des poissons qu'ils y pêchent et des terres fertiles qui le bordent. Par ailleurs, des milliers d'arbres vont être coupés et la forêt en certains endroits sera inondée. Près de 25 000 personnes, dont une majorité d'Indiens, Kayapos, Yurunas et Araras, devront quitter les terres qu'elles occupent depuis des siècles pour laisser place à un immense réservoir de 500 km², 5 fois la superficie de Paris, au nom du développement durable dont se revendique le gouvernement de Lula. Pourtant, comme l'explique le chercheur brésilien Rodolfo Sam, l'hydroélectricité n'est pas une énergie aussi verte qu'on peut le croire. Non, le barrage de Belo Monte, comme d'autres à travers la planète, produira autant de gaz à effet de serre que la combustion fossile, notamment pendant les premières années d'exploitation. En cause, le pourrissement des arbres recouverts par les eaux. Au fond des réservoirs, la végétation engloutie se décompose. Cela produit du méthane, un gaz beaucoup plus actif que le CO2. Ces barrages émettent presque autant de gaz à effet de serre que la combustion du charbon ou du pétrole. Le combat des Indiens d'Amazonie contre la construction de Belo Monte est soutenu par des ONG de protection de l'environnement et de défense des droits de l'homme. Leur mission est de relayer la lutte, notamment dans les médias, à travers des pétitions et des manifestations, mais aussi formuler des contre-propositions, comme la multiplication de petites infrastructures au lieu des méga-barrages dont se dote le Brésil. Mais l'action des ONG ne suffira pas à empêcher la construction du gigantesque barrage. Certes, une quinzaine de recours en justice retardent l'avancée des travaux de quelques semaines. Mais toutes les condamnations et suspensions obtenues par les ONG sont annulées en appel. En août 2012, 8 mois après le début des travaux, le tribunal régional de l'État du Pará invalide ainsi l'autorisation de construction du consortium Norte Energia, arguant que l'entreprise n'a pas rempli les conditions sociales et environnementales qu'elle devait garantir avant de démarrer le chantier. Bien. Mais à peine 2 semaines plus tard, le tribunal suprême fédéral suspend cette décision et les travaux reprennent immédiatement. Les opposants en barrage dénoncent une décision partiale, car l'État brésilien est actionnaire à 49,8% d'Eletrobras, membre de Norte Energia. À Brasilia, le palais présidentiel Planalto se prépare donc à recevoir sa première femme. Un palais que Dilma Rousseff connaît bien. Ces 5 dernières années, l'économiste a été le bras droit de Lula, qui lui avait aussi confié le précieux ministère de l'énergie. Bien sûr, Lula l'a porté au pouvoir, mais ici on a confiance en sa propre expérience. Ça ne va pas être facile. Elle doit donner le meilleur d'elle-même pour continuer le travail de Lula en posant sa propre signature. Dilma Rousseff s'est jetée dans l'arène politique en prenant la direction de la 8e puissance mondiale. C'est donc l'ancienne ministre de l'énergie Dilma Rousseff, successeur de président Lula en 2011, qui va donner son feu vert au lancement des travaux de Belo Monte, en dépit des controverses et des actions en justice intentées contre le consortium Norte Energia. En janvier 2012, le premier coup de pioche est donné. 25 000 ouvriers travaillent désormais à la construction du barrage. Ses 18 turbines hydroélectriques, son réservoir de 500 km², ses digues gigantesques et son canal de dérivation de 20 km de long. Des travaux estimés à 11 milliards d'euros qui doivent se terminer en 2019. Et tandis que le chantier démarre, l'opposition des Indiens d'Amazonie au barrage de Belo Monte s'affaiblit peu à peu. En 2011, puis en 2012, Norte Energia distribue l'équivalent de 7 500 euros par mois aux villages concernés par la construction du barrage. De l'argent, mais surtout des biens matériels négociés entre chefs des villages et les industriels, motos, téléviseurs ou moteurs pour les bateaux. Des cadeaux pour acheter le silence des Indiens qui vont diviser la communauté. D'un côté, ceux qui les acceptent, de l'autre, ceux qui les refusent, comme Zé Carlos, le cacique d'un village indien, interviewé en 2012 par Jérémy Marié pour France Culture. Que ce soit bien clair, la lutte continue. On ne veut pas de cet argent que nous propose le gouvernement. On ne veut pas de cette vie des hommes blancs. Fumer de la drogue, boire de la cachaça. Cet argent ne nous donne aucune garantie. Nous voulons une vie normale. Vivre de notre travail, même si l'on gagne peu, un petit peu qui suffirait à tout le monde pour survivre. Les dons du consortium Norte Energia aux populations autochtones du fleuve Xingu sont souvent des cadeaux empoisonnés, aux effets pervers. Des bateaux à moteur offerts sans formation de pilotage, des aliments transformés qui favorisent l'obésité, l'alcool aussi. Les Indiens sont ainsi encouragés à embrasser les modes de vie occidentaux sans toujours parvenir, pour certains, à préserver leurs ancestrales coutumes. Beaucoup de jeunes quittent la tribu pour la ville la plus proche, Altamira, où le chômage, la drogue et l'alcool font des ravages parmi les Indiens d'Amazonie. Après les cadeaux distribués de façon non officielle par les propriétaires du barrage de Belo Monte entre 2011 et 2012, un guide programme de compensation sociale et environnementale voit le jour, et cette fois officiellement. Des projets sociaux et environnementaux imposés par le ministère de l'Environnement et financés à hauteur d'un milliard d'euros par Norte Energia. Construction d'écoles, de postes de santé, de routes dans les villages proches de Belo Monte, relogement dans les quartiers neufs des habitants inondés par le barrage, installation du tout à l'égout à Altamira. Les responsables de Norte Energia promettent alors de jouer dans la région le rôle que l'État brésilien n'a pas su jouer. De fait, des familles autrefois logées dans des masures insalubres déménagent dans des quartiers neufs à l'extérieur de la ville. Mais les maisons sont de mauvaise facture et les transports inexistants, comme l'explique la militante Antonia Melo da Silva, une habitante d'Altamira, dans un reportage diffusé sur Arte. Des habitants ont été relogés dans des quartiers sans infrastructure, sans eau courante. La violence a également augmenté et des situations inquiétantes ont vu le jour. As precárias condições de sobrevivência das pessoas. L'électricité est devenue plus chère, le coût de la vie a augmenté. La vie en général est devenue hors de prix, alors que la qualité de vie s'est dégradée. Le chômage et la perte de notre identité dominent tout le reste. Avec l'arrivée de milliers d'ouvriers venus d'autres régions du Brésil pour construire le barrage de Belo Monte, la ville d'Altamira se transforme. De 50 000 habitants dans les années 80, elle passe à 110 000 en 2016. Les décharges débordent, les travaux d'assainissement, des canalisations financées par Norte Energia sont de piètre qualité et les loyers augmentent. Et malgré les promesses du programme de compensation sociale et environnementale voulu par l'État, la ville ne connaît pas le développement promis. Si ce n'est celui de l'insécurité, des trafics et de la prostitution. En avril 2016, après 4 ans de travaux, les premières turbines du barrage de Belle-Aumonde sont mises en service. Et rapidement, l'impact environnemental et social du barrage se fait sentir. Comme les opposants le craignaient, les poissons meurent, l'eau est polluée et certains affluents de Xingu sont asséchés, perturbant les déplacements des Indiens sur le fleuve. Près de 25 000 personnes ont été déplacées par le barrage. Et les populations autochtones, dont les modes de vie reposaient traditionnellement sur les ressources du fleuve, sont contraintes de se tourner vers les emplois précaires offerts par les mines illégales à proximité de Belle-Aumonde. En avril 2016, le barrage de Belle-Aumonde commence donc à fonctionner après 30 ans de controverses et de luttes de la part des Indiens d'Amazonie et de leurs soutiens nationaux et internationaux. Un chantier à 10 milliards d'euros qui incarne la soif de croissance du Brésil, ses besoins colossaux en énergie, mais aussi la menace qui plane sur la forêt amazonienne. Car le barrage de Belle-Aumonde, pourtant décrit comme une infrastructure responsable, va à l'encontre de la protection de l'environnement et des tribus ancestrales qui peuplent l'Amazonie. Un chantier qui raconte également les espoirs, les déceptions et les errances politiques du Brésil. Car au moment même où les premières turbines de Belle-Aumonde sont mises en marche, en avril 2016, la présidente brésilienne Dilma Rousseff est accusée de corruption. Parmi les accusations qui pèsent sur elle, le financement de la campagne présidentielle de 2010 par des pots de vin liés à des contrats surfacturés lors de la construction du barrage de Belle-Aumonde, justement. L'ancienne ministre de l'énergie de Lula, qui soutient le barrage hydraulique depuis les années 80, et pour cause, est destituée dans un climat de haine. Parmi ses opposants politiques les plus virulents, le député d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui inaugurera la dernière turbine du barrage de Belle-Aumonde en 2019 en tant que nouveau président de la République du Brésil. Quand la fera fere e mata alguém. Só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mate e atire em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Alguém de ter moradia e uma terra também. Movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome. Ninguém solta a mão de ninguém. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le barrage hydraulique de Belomonte, dont nous allons parler avec notre invitée Martine Droulers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Brésil. En 2017, vous avez publié un livre intitulé « Le Brésil », écrit avec Céline Brogio aux presses universitaires de France. Voilà, on va raconter là l'histoire de ce barrage hydroélectrique brésilien. Alors, ce barrage, comme les autres, est présenté par ses promoteur comme un projet vert, alors qu'il ne réduit pas les émissions de CO2, qu'il ne préserve pas la biodiversité ni les populations riveraines. Pourquoi historiquement le Brésil a-t-il fait le choix de l'hydroélectricité, en particulier les méga-barrages qui vont quand même dans un sens qui lui va pas dans le sens de l'histoire? L'hydroélectricité au Brésil, c'est évidemment la réponse à la plus grande réserve d'eau douce du monde. L'Amazonie, c'est 17% de l'eau douce du monde, mais l'équipement de l'Amazonie a mis plus longtemps. Mais les Brésiliens ont d'abord équipé tout le sud, la rivière Paraná, dans l'état de São Paulo, et le plus grand barrage au Brésil pendant longtemps, ça a été celui de Itaipu, à la frontière du Paraguay et du Brésil, et qui était un méga barrage aussi, mais les méga barrages correspondent à la période des années 70. On peut dire que c'était la réponse classique d'une centrale hydroélectrique. Mmh. Alors c'est sûr que c'était des méga ouvrages, méga travaux, et qui produisait énormément d'électricité et à des conditions, disons, relativement naturelles. Enfin bon, un barrage, un grand mur de béton et un lac-réservoir qui inondait en général une très très vaste zone, puisque la puissance des fleuves fait que le débit était colossal, les lacs de retenue étaient très vastes. Et ça a posé des problèmes d'ailleurs au moment de Itaipu, qui a été inauguré en 84 en même temps que Tucuruí d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à Tucuruí, ils ont inondé un grand morceau de forêt tropicale vierge, on peut dire, équatoriale vierge, alors que ils avaient essayé d'enlever le bois pendant la durée des travaux et ils n'ont pas réussi. Mais vous nous parlez de projets qui datent des années 70. Là, on parle de quelque chose qui date d'il y a l'an dernier, vous vous rendez compte, 2019. Alors, bien sûr, ça a été décidé avant. D'accord. C'est ouvert en 2019. Le Brésil va pas dans le sens de l'histoire, pour le coup. C'est-à-dire que donc les barrages ont été construits sur toutes les rivières du Sud, possiblement équipés relativement facilement. Et à partir des années 80, on s'est retourné vers l'Amazonie. Mais avec un peu la crise économique du Brésil aussi, et les mouvements écologistes, etc., on n'a pas trop construit de barrages en Amazonie parce qu'ils avaient justement inondé de trop grandes zones de forêt et ça a soulevé un tollé. Donc, mais à partir de 2001, il s'est passé des grandes pannes électriques. Le barrage d'Itaipu ne suffisait plus à approvisionner toute la région de São Paulo, Rio, tout le sud du Brésil. Et les grandes pannes électriques pour la capitale économique du pays, le Brésil, São Paulo, c'était impossible à supporter. Donc on a dit, à ce moment-là, il faut relancer les projets amazoniens, puisque là, la réserve d'eau est colossale, et on aura de quoi répondre. Et pendant qu'on parlait du programme de Belomonte, qui, comme vous l'avez expliqué, avait été lancé en 89, puis stoppé à ce moment-là, deux autres barrages hydroélectriques ont été faits beaucoup plus à l'ouest, vers la frontière avec la Bolivie, et ils ont été construits avec relativement peu d'opposition, si on la compare à celle de Belomonte, entre 2007 et 2012. Ouais. Deux barrages hydroélectriques de la puissance, où la France est intervenue d'ailleurs par Engie, enfin c'était GDF Suez à l'époque, et dont la puissance était égale à celle de Belomonte. Donc, fort de cette expérience de barrages hydroélectriques relancés dans les années 2000, mais qui étaient des barrages hydroélectriques à moindre impact, c'est-à-dire plus des méga murs de béton, mais des turbines qui étaient dans le sens de fil de l'eau. Au lieu d'être verticales, elles étaient horizontales dans le sens de fil de l'eau. Alors il faut mettre davantage de turbines, mais beaucoup moins de béton. Et surtout pas de barrages, de lacs de retenue étendus. Oui, pour pas que ça inonde. Voilà. pour pas que ça inonde. Et voilà. Donc, on faisait 50 turbines à ce moment-là, au lieu de faire des 18 et des 19 comme dans les méga-barrages. Sauf que la configuration géographique de Belle-au-Monte, qui correspond au palier du plateau brésilien granitique qui tombe sur la plaine amazonienne, fait qu'il y a un dénivelé naturel de 70-80 mètres, mm-hmm. ce qui fait que la puissance de l'eau, si on fait un barrage à cet endroit-là, la puissance de l'eau est décuplée. Donc l'idée de faire un barrage à cet endroit-là s'est réimposée à nouveau, et comme vous l'avez expliqué, a été acceptée dans le plan d'accélération de la croissance de 2007, puis ralentie à nouveau dans les années 2010, puis relancée. Et là, il faut se placer dans si on pourrait dire, deux tendances politiques au Brésil qui ont été incarnées par le gouvernement du Parti des Travailleurs de Lula, qui était le socio-environnementalisme d'un côté, parce que Lula, tout en encourageant les barrages hydroélectriques et la reprise de ces grands chantiers pour relancer la machine économique brésilienne, en même temps, il a créé et fortifier un énorme ministère de l'environnement, confié à une femme également, c'était pas Dilma, c'était Marina Silva, mmh. qui a donc été ministre de l'environnement pendant 6 ans, et qui a donc blindé un petit peu toutes les précautions environnementales et les lois de préservation de l'environnement. Alors, on verra après ce que ça a donné après, mais oui. À ce stade de notre discussion, si on veut poser les choses à plat, sereinement, quelles étaient les bonnes raisons, quelles sont les bonnes raisons pour le Brésil d'avoir ce barrage de méga-barrage de Belo-Monte, et quelles sont les mauvaises raisons? C'est-à-dire que ça apporte, effectivement, d'un point de vue économique, on comprend ce que ça apporte, d'un point de vue écologique et de développement durable, ce qui inclut les populations amazoniennes, indiennes, amazoniennes, bien sûr. Faisons un état des lieux de ce qui est positif et négatif. D'accord. Alors, il faut toujours raisonner à l'échelle du Brésil. Hein. On est parti au départ du fait que le Brésil a besoin d'électricité. N'oubliez pas que le Brésil est à 75% d'origine hydroélectrique, oui. alors que la France est à 75% nucléaire. Nucléaire, absolument. Voilà, on a chacun nos caractéristiques. On a chacun nos œufs dans le même panier, si je veux dire. Oui, pour nous, mais c'est une autre histoire. Et donc, sur le plan géographique, l'apport de la force de l'eau amazonienne est nécessaire si le Brésil veut continuer à augmenter sa consommation d'électricité de 4% par an, ce qui est supérieur quand même à la nôtre. Surtout, nous, on l'a un petit peu diminué. Mmh. Hein, mais celle du Brésil continue à augmenter, puisque tout le monde s'équipe, notamment de climatiseurs, dans les grandes villes. Et donc, le besoin d'électricité ne cesse d'augmenter. Mmh. Donc, dans la répartition géographique, l'Amazonie était isolée énergétiquement. Elle n'était pas reliée, connecté au reste du Brésil, sauf le barrage de Tucuruí, qui l'était pour la partie orientale. Mais justement, les deux nouveaux barrages qui ont été faits à la frontière de la Bolivie et Belo-Monte contribuent à connecter le réseau électrique brésilien, et donc les eaux amazoniennes peuvent approvisionner quand le sud du Brésil a besoin d'électricité. Alors évidemment, ça fait des lignes à haute tension de 2500 km hein, pour aller juste des fleuves amazoniens jusqu'à la région de São Paulo. Mais c'est un système maintenant interconnecté. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Amazonie, avant la construction des barrages, et même encore maintenant, son électricité est dépendante du fioul. Du diesel qu'on transporte par bateau jusque dans les communes les plus isolées pour faire fonctionner des groupes électrogènes. Ouais. Alors, bon, ça paraît une aberration, quand même. La dépense de diesel pour obtenir de l'énergie, en plus, qui dure de 6h à 10h du soir, même pas toute la nuit, etc. Donc, le système de connexion du territoire brésilien est donc un enjeu. Et justement, on a un peu opposé, et la politique est justement de faire alterner les socio-environnementalistes et les développementistes. Parce que les développementistes, ils cherchent la cohérence du système économique, et donc, en l'occurrence, de l'approvisionnement électrique de tout le Brésil, alors que les socio-environnementalistes disent attention, donc si c'est pour répondre à votre question, est-ce que c'est... Donc ça veut dire que deux logiques qui se télescopent arrivent à construire quelque chose ou pas, en fait? Oui, je crois. Enfin, sauf qu'on voit qu'il y a beaucoup d'opposition, mais on progresse dans le dialogue. C'est comme dans toute situation, quand il y a des opposants, il faut instaurer le dialogue. Alors, vous avez dit, par exemple, on a fait des compensations pour les habitants de la région. Oui, mais on a dit dans quelles conditions. Enfin, des cadeaux un peu empoisonnés, quoi. Bien entendu. Mais maintenant, si vous demandez à la plupart des Indiens, et ça, les anthropologues le disent, les Indiens, ils seraient assez contents d'avoir des allocations familiales, des salaires. Et maintenant, on ne peut pas les exclure de l'économie monétaire non plus. Donc, ils cherchent à être intégrés, c'est eux ça. Aussi. Ils cherchent à être intégrés, mais ils ne veulent pas non plus qu'on vienne piller des éléments naturels qui sont pour eux des éléments de vie, et depuis longtemps. Bien sûr, et quand je vous parle de socio-environnementalisme, ça veut dire aussi mettre en protection une partie de la forêt. Et on sait d'ailleurs à l'heure actuelle, par cette politique qui a été menée depuis plus de 20 ans, que 50% de l'Amazonie est en aire protégée. La moitié par les Indiens et l'autre moitié par des statuts de terres qui dépendent du ministère de l'Environnement. Donc 50%. Alors ça veut dire que... Et il y a 20% de l'Amazonie qui a été déforestée. Mmh. Donc il reste 25% sur lequel se joue à l'heure actuelle la querelle entre développementistes et socio-environnementalistes. Bon, et puis il y a quand même un événement important par rapport à tout ça, c'est l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro quand même. Ça change la donne. Mmh. Et on imagine, alors peut-être qu'on va trop vite, enfin, moi j'imagine que c'est pas forcément au bénéfice des populations indiennes d'Amazonie. Je me trompe? Non, Bolsonaro s'est prononcé à plusieurs occasions. Il s'est prononcé sur le fait que les Indiens avaient trop de terres pour trop peu d'hommes et qu'il y avait des convoitises d'agriculteurs sur leurs terres pour produire et faire de l'agrobusiness. Alors, le 24 septembre 2019, à l'ONU, le président brésilien Jair Bolsonaro, donc, multipliait les contre-vérités sur l'Amazonie. Il affirmait que, par exemple, que les leaders des peuples autochtones, comme le chef Raoni, était manipulé par l'étranger. Il est faux de dire que l'Amazonie appartient au patrimoine de l'humanité. C'est une fausse idée des scientifiques de dire que nos forêts sont le poumon du monde. Certains pays, au lieu de nous aider, se bat sur les mensonges des médias et se sont comportés de façon irrespectueuse et dans un esprit colonialiste. Ils ont même remis en question ce que nous considérons comme une valeur sacrée, notre souveraineté. Alors, est-il faux de dire que l'Amazonie appartient au patrimoine de l'humanité? Est-il fausse idée des scientifiques que de dire que les forêts du Brésil sont les poumons du monde? C'est quand même un drôle de postulat, non? Son postulat. Oui, son postulat est un postulat ancien qui avait déjà été manipulé très souvent dans les années 70 par les militaires. C'est la souveraineté brésilienne. N'oubliez pas que les militaires, quand ils ont fait l'opération transamazonienne, c'était aussi pour cela. C'était un contrôle de la frontière parce que justement, il y avait des trafics de drogue qui risquaient de passer ou même de guérilla. Et la guérilla des FARC, ils voulaient maintenir les frontières amazoniennes. N'oubliez pas que le Brésil a quand même 12 000 kilomètres de frontières avec 8 pays amazoniens. Et que donc, ce principe de surveillance et d'interdiction, disons, aux étrangers de venir est très ancien sur le territoire brésilien. Mais en même temps, le Brésil prône la coopération. Il a créé un institut de coopération amazonien avec les universitaires, etc. Donc il y a un double discours. Il y a un discours de temps en temps, il faut se défendre et réaffirmer sa souveraineté. Donner des gages aussi à ceux qui le soutiennent. Voilà. Et sinon, les programmes de coopération amazonienne existent. Ils sont assez faibles, peut-être, mais ils existent. Je reviens à Bolsonaro. Est-il exagéré de dire qu'il est l'adversaire, voire l'ennemi des populations autochtones indiennes? Il semblerait, oui, qu'il l'a dit assez clairement. Oui, il l'a dit assez clairement. Mais encore une fois, c'est un principe, c'est peut-être dans l'atavisme brésilien de dire que de toutes les façons, les Indiens, ils ont déjà beaucoup de terres. Ils sont 1% de la population amazonienne et ils ont 23% des terres de l'Amazonie. Alors, puisque vous avez écrit un livre intitulé Le Brésil et que vous êtes une spécialiste de l'Amazonie aussi. De l'Amazonie, du Brésil. Oui. Où va le Brésil finalement, qui était une puissance émergente, très émergente, qui a connu un développement assez rapide, efficace. Après, il y a eu une crise, il y a eu 2014, qui est une année compliquée. Où en est le Brésil? Où va le Brésil? Il faut aussi se dire que le Brésil est un pays jeune et que donc il a une population qui consomme beaucoup et il a un territoire immense. Ouais. Qui n'est pas encore complètement maîtrisé. Je dirais, cet espace n'est pas maîtrisé. Il ne faut pas oublier que l'agriculture brésilienne, c'est à peine 10% du territoire brésilien. Donc, il y a... Oui. Alors, il y a... Il y a 20% de pâturage, mais tous les pâturages ne sont pas exploités, forcément. Ouais. Donc, en agriculture même, c'est 10%. Donc, le Brésil a un potentiel absolument extraordinaire devant lui. Alors, c'est un pays jeune depuis longtemps, mais qui commence à ne plus l'être. Et c'est ça, c'est que... Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de questions brésiliennes qui vont se tasser un petit peu avec le fait d'une population qui va devenir plus vieillissante. On voit bien, en Europe, on n'a pas les mêmes problèmes avec une population... N'oubliez pas, l'âge moyen des Français, c'est de 42 ans maintenant, je crois, et l'âge moyen des Brésiliens, ce n'est même pas 30 ans. Oui. Donc, la majorité de la population est encore jeune. Et donc, bon, a une soif d'expansion, de développement économique. Et le Brésil a été 7e puissance économique du monde. Il ne l'est plus. La crise du coronavirus va peut-être justement faire que les exportations vers la Chine et l'agro-business vont connaître un coup d'arrêt. Hein, et donc, alors à ce moment-là, une recomposition à l'intérieur, être plus auto-centré, si vous voulez, au lieu de... Parce que le Brésil a cherché à faire beaucoup sa croissance en étant... En libre-échange. Voilà, exportateur. Et maintenant, il peut essayer de s'auto-centrer, de trouver des réponses brésiliennes à ce défi territorial qu'est cet énorme Brésil. À quoi attribuez-vous l'accession au pouvoir du président Bolsonaro, qui est très clivant, qui est porteur d'idées qui nous choquent quel est le processus qui a fait que cet homme-là, avec ses idées-là, est arrivé au pouvoir au Brésil? On a beaucoup dit que c'était le Parti des travailleurs s'est usé au pouvoir, et la présidente Dilma particulièrement. Et peut-être que si Lula, mais là il y a eu toute une affaire juridico-politique pour l'exclure, peut-être que si Lula s'était présenté, le Parti des Travailleurs avait une chance de revenir au pouvoir, puisque Lula est tellement charismatique qu'il aurait emporté l'adhésion, mais Dilma a été mise de côté, et ils n'ont pas eu de candidats capables d'avoir cette aura qu'avait Lula. Donc le Parti des Travailleurs étant exclu de la course, enfin quasiment, il a obtenu à peine 40% des voix, alors que Bolsonaro en a eu 57. Il s'est parmi de son passage au pouvoir en fait. C'est souvent ça. C'est souvent ça d'ailleurs. Le parti politique qui porte les espoirs de la population, arrivé au pouvoir et face aux réalités du pouvoir, ça génère de la déception. Vous parlez pour Lula ou... Pour Lula. Oui, ouais. Pour Lula. Mais Lula a fait quand même 2 mandats. Ouais, quand même. Et il a fait élire sa remplaçante. Oui. Mais le problème a été 2014, justement. C'est peut-être comme vous avez dit, l'année compliquée. Charnière. Bien sûr. L'année charnière. Voilà. Merci infiniment. Martine Droller, je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui s'intéressent au Brésil. C'est simple, hein. C'est Le Brésil. C'est un que sais-je. Ouais. Un que sais-je. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le barrage de Belo Monte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.